From the fish of the sushi and make it a leather. My brain, my liver is my tongue.

Thank you. Real it in my jump. Remember, I take the pill, red one. Well, this was the choice. What was the choice? What that strange man said. I killed it. I'm sorry. Give me one sec. J'aurais voulu te proposer un truc doux, un truc trop sympa, pourtant. C'est rude, ça fait mal, ça avance, et surtout que t'es un peu derrière. rue, ça avance tout vrai. C'est vrai mon frère, j'aime trop quand t'es là, quand tu te me réassures, quand t'es que ça va, quand tu dis que j'avais, quand t'es là, quand tu dis que t'as pas, c'est vrai que c'est... see the sun of joy. Hey, bella, welcome. Hey, welcome, Bena. I'm sorry I yawned. But Dennis was way too enthusiastic. He killed it. Because your arrival. Oh, I'm so glad to. Come on, Bena, bass it all the way through. Thank you. Thank you. sometimes I only listen the bass for it. He plays piano just like he's an harpist. Thank you. des moments autre chose se passe. Je ne l'ai pas dit, donne-nous de quoi.